croyez que c'est fini. Vous croyez que vous êtes en sécurité. Vous avez tort. On n'aura pas changé. Et ça, je me le dis chaque jour. N'aura pas changé, et ça, je me le dis chaque jour. Les jaloux autour de toi forment un abat-jour. J'ai la rage parce que du tunnel, je vois pas le bout. Les MC avant de se niquer se touchent le zboum. Se caressent les boules, te regardent avec un air envieux. Et ensuite se mettent à faire la poule. T'aimes notre son, mais tu nous boycottes comme Sarkozy. Pourquoi? Parce que t'as su que c'était du Sarkozy. Quand tout ça, comme qui sert, faut que le bif rentre vite. C'est pas le rapido qui me fera rouler en Corvette. À croire que le rap c'est une mine d'or. Parle pas sur Spike pour l'instant, il a fait que Midor. J'suis à 50%, j'galope comme un pur sang. Check-moi deux fois, si j'produis du pur son. La rue n'a pas de pitié, sale jaloux. On te baisse ta mère, Hiro de la poussée. C'est les scélérats, on cherche la gloire sur notre trottoir. C'est les scélérats, trop de mecs boycottent le territoire. C'est les rats, pour nous sucer, il est trop tard. C'est les rats, nous testent des connards, c'est trop tard. C'est les scélérats, on cherche la gloire sur notre trottoir. C'est les scélérats, trop de mecs boycottent le territoire. C'est les rats, pour nous sucer, il est trop tard. C'est les rats, nous testent des connards, c'est trop tard. Un couplet chacun pour choquer, viens pas me checker. Hachek, signe mon chèque et range les chicots. J'ai la gueule balafrée comme Chucky. Si j'ai zéro de QI, j'suis cuit, mec c'est la chute libre. Mec joue pas le quinquin, y'a trop de boulettes comme le quinquin. Avec les meufs fais pas coin coin. J'suis pas beau comme Brad Pitt, pas un brave type. La vie c'est pas trip, j'me dois d'être tactique. J'kick ma tête jusqu'à la zone rouge. Mec, baisse ta mère, elle accouchera d'une fausse couche. 7 sur 7 pompettes, pendant que mes potos fument à pompette. Les mythos jouent de la trompette, me demande pas si ça va. Mais merde, c'est qui ces mecs là? Bah c'est les scélérats qui te savatent. Trop de lobes ça, écoute ça, c'est les scélérats sur ce que. Nous on fuck les sucieux. C'est les scélérats, on cherche la gloire sur notre trottoir. C'est les scélérats, trop de mecs boycottent le territoire. C'est les rats, pour nous sucer, il est trop tard. C'est les rats, nous testent des connards, c'est trop tard. C'est les scélérats, on cherche la gloire sur notre trottoir. C'est les scélérats, trop de mecs boycottent le territoire. C'est les rats, pour nous sucer, il est trop tard. C'est les rats, nous testent des connards, c'est trop tard. Ici y'a plus d'amis amis, on rêve de faire notre tube. Disparaît tous à Miami, beaucoup de frères n'ont plus d'avenir. À l'horizon y'a que les keufs qu'on voit venir. C'est pas de l'ironie, on s'associe. Le manque de sous ici nous file trop de soucis. On est de la France d'en bas et déterminé. La merde on vient ramonier, les concours sont déterminés. Ici ça surine, dans la rue on urine. On prend le micro et ce son c'est la tuerie. Ouvre l'œil, veille sur ton dos quand tu vends la yard. Derrière toi y'a toujours la volaille. Ici on évite le fossé. Au mic on va grosser, on braquera la recette. Pour pas finir caissier, dans notre unité. On attend l'idée de faire des thunes. On pouvait descendre au Maroc avec la plaque d'immunité. Te dire qu'on est honnête, ça serait te mentir. Les années passent, et la haine envers les stars ne fait qu'augmenter. C'est les scélérats, on cherche la gloire sur notre trottoir. C'est les scélérats, trop de mecs boycottent le territoire. C'est les rats, pour nous sucer, il est trop tard. C'est les rats, nous testent des connards, c'est trop tard. C'est les scélérats, on cherche la gloire sur notre trottoir. C'est les scélérats, trop de mecs boycottent le territoire. C'est